En l'an 2000, nous avions commencé à polluer, à empoisonner et à surpeupler notre planète, au-delà de notre capacité de remédier à ces maux. Nous avons ignoré le problème aussi longtemps que nous avons pu, mais nous faisions qu'une berne. En 2025, fut atteint le point de non-retour. SOS, terre en détresse, dans la pièce maîtresse du business. C'est les liens épaisses qui s'entassent dans le tiroir caisse. Sous peu, on décidera du sort de telle ou telle espèce. Sauvegarde, mise à mort, on veut tant par SMS. L'atmosphère se réchauffe, mais pas juste à car je les connaisse. Alors que les mesures à prendre, on sépare, les connaissent. Le futur s'efface et s'enfonce dans la fosse. Dans le monde qu'on laisse à nos fils, les novices, canneront nos fils. Ils nous tuent à petit feu, Tchernobyl et Bhopal. Mais l'ONU ferme les yeux, les mobiles de Total. Faut voir la vérité en face de ma part de responsabilité. Laisse des traces, car un efface en face pour me réhabiliter. Tous les jours on consomme et nos ressources se consument. C'est plein d'essence conforme aux cigarettes qu'on fume. Ce qui fait qu'en somme, ces personnes t'assument. À croire que la thune volante, quand elle se coûte en volume. Le temps passe, on rêvasse quand tout le temps, tout fout le camp. Mais les crevasses de l'Atlas ressassent les forces du volcan. Les crasses nous pètent à la face, c'est de plus en plus fréquent. Personne veut y faire face, alors faites place aux conséquences. Développement durable, tu parles quand tu vois que d'une part les US salopards n'en voient d'une nulle part. Et que d'autre part les efforts faits pour faire en partie mal incurable et immuable comme le curare se font de plus en plus rare. Rien qui donne des stats, c'est la politique de l'autruche. Mais leur discours des bureaucrates n'empêcheront pas qu'on tape la cruche. Faudra que les choses éclatent comme un putain de ballon de baudruche. Pour qu'enfin on constate qu'il y avait le feu dans la ruche. Le ciel s'embrase, le monde s'embrase comme un filtre de carreaux. Prate écrasé comme pizza brasse, volant le titre à Roland Garros. Une atmosphère de braise se répand sur la terre. Chaud comme en 93, après bavure du commissaire. On court après les ennuis. Et que dire si on ne faisait rien? On continue d'empoisonner la terre, et d'ici 100 ans, tout le monde est mort. Tout ce qui existe n'aurait servi à rien. L'art, la beauté, adieu, les Grecs. Ça aurait été pour rien tout ça. T'as vu les fumées noires qui sortent des cheminées d'usine. L'as des gueux comme un trottoir souillé par une traînée d'urine. L'atmosphère des potoirs où le CO2 s'agglutine. Et ceux qui crèvent dans cette histoire peuvent toujours attendre une rustine. C'est la routine comme Poutine dans l'ombre à Medvedev. Et toi tu chiales en bout de ligne devant ta facture GDF. Les stincellés à la naissance c'est les mêmes qu'on mène en bateau. Connard parle pas du prix de l'essence avec quelqu'un qui n'a pas d'eau. On va pas vider les piscines des grands hôtels de Marrakech. Le pays a besoin d'eau mais nos clients de canne à pêche. Alors je sonne l'alarme à ces drames, y'a pas étanche. On sait le pleur des larmes bleues, quand la terre meurt à larmes blanches. Je sais même pas pourquoi je dis tout ça, vu que c'est toujours la même chose. Ceux qui ont déjà pas tant de sous que ça se prennent la piqueur à pleine dose. Donc je dose, cause, propose, pose. En gros, je pose, expose des choses avant qu'il y ait overdose et que la terre explose. Pour l'évolution de la pollution, j'ai pas la solution. J'essaie juste de faire attention et prendre les bonnes résolutions. Mais le plus dur, c'est qu'on s'y tienne, comme tiennent au vent les éoliennes. Que Veolia veut faire des siennes dures pour que les idéaux tiennent une tête envers la terre. On n'est pas prêt d'honorer. Il y a ces aurores boréales. Même L'Oréal ne veut pas colorer. Mais regardez ce qui se passe. On se perd dans la paperasse. La fin des liasses est tenace. Mais les nuages en face menacent. Les cyclones se déchaînent. Quand la bêtise humaine gangrène des champignons fumigènes qui n'ont rien d'hallucinogène. Le test, pas la nature. T'es pas de taille à l'affronter. Tu vas te sentir miniature quand l'orage se met à gronder. Traitement Tipeee écolo. Si ça peut te faire kiffer, mais sache que UP est prolo. Personne ne sera épargné. Que tu sois sapé en polo, en ralflo, en quartier. N'oublie pas que ça peut être l'eau qui va noyer des grands quartiers. C'est quoi le message? Ben, l'homme pense que s'amuser, tant qu'il est content. Il n'y a rien d'autre d'important, parce qu'il restera toujours tel quel. Vous voyez, si je vous dis, je vous avais prévenu, je suis encore assez loin du compte.